Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, Gaumet du Pré 1860. Question 70. De l'œuvre d'ornement qui s'accomplit le quatrième jour. Les astres, leur utilité, sont-ils animés? 1. Les luminaires ont-ils dû être produits le quatrième jour? L'Écriture, récapitulant les œuvres de Dieu, parle en ces termes, « Ainsi furent achevés les cieux, la terre, et tout ce qui en fait l'ornement. » Dans ces paroles elle embrasse trois sortes d'œuvres, l'œuvre de création, qui produisit le ciel et la terre, mais sans forme, l'œuvre de distinction, qui acheva le ciel et la terre quant à l'ordre et à la beauté intrinsèque, l'œuvre d'ornement, qui concerne tout ce qui a quelque mouvement au ciel et sur la terre. L'œuvre de création comprend le ciel, l'eau et la terre, elle est exprimée par cette parole, « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. » L'œuvre de distinction fit apparaître ces trois choses, dans l'espace de trois jours. Le premier jour, le ciel fut distingué, le second, les eaux, le troisième, la terre. L'œuvre d'ornement suivit le même ordre. Le premier jour, qui est le quatrième, furent produits les luminaires, pour l'ornement du ciel, le second jour, qui est le cinquième, les poissons vinrent orner les eaux, et les oiseaux les airs, le troisième jour, qui est le sixième, on vit les animaux se mouvoir sur la terre pour l'embellir. Il convenait évidemment que le ciel, qui avait été formé le premier des trois jours consacrés à l'œuvre de distinction, fut décoré le premier des trois jours consacrés à l'œuvre d'ornement. C'est donc avec raison que les luminaires apparurent le quatrième jour. Si la production des plantes précéda celle des luminaires, ce fut, dit saint Basile, pour condamner d'avance l'idolâtrie. Moïse voulait montrer aux plus simples esprits que les astres, qui coopèrent par leur mouvement à la production des plantes, de la même façon que le cultivateur, n'en sont pas la cause suprême. Note. La substance des astres, qui avait été créée au commencement, revêt ici une forme nouvelle, en recevant une vertu déterminée. La lumière, en effet, fut produite le premier jour selon sa nature générale, mais, le quatrième, elle donna une vertu particulière aux luminaires pour produire certains effets spéciaux. La lumière du soleil, auparavant informe, dit saint Denis, fut formée au quatrième jour. Quant à la dimension des deux luminaires qui sont appelés grands, Moïse a parlé d'après leur efficacité, leur vertu et leur apport d'essence. Ces paroles, il les plaça dans le firmament, signifie qu'il les y plaça pour y demeurer comme l'homme dans le paradis terrestre, et non pas qu'il les y fixa d'une manière immobile. Fin de la note. 2. La cause de la production des luminaires est-elle bien assignée? Une créature corporelle est faite, ou pour ses fonctions propres, ou pour une autre créature, ou pour l'univers, ou pour la gloire de Dieu. Moïse, qui avait pour principale fin d'éloigner le peuple de l'idolâtrie, n'a touché que la seule cause de l'utilité des hommes. Il a, dans ce but, signalé les luminaires, d'abord, comme destinés à éclairer le monde et les ouvrages de l'homme, de là ses paroles, qu'ils luisent dans le firmament et qu'ils éclairent la terre, ensuite, comme devant produire la vicissitude des temps, qui bannit les ennuis, entretient la santé, et fait naître les choses nécessaires à la vie, qu'il divise, dit-il, les temps, les jours et les années, enfin, comme servant à marquer la pluie ou le beau temps qui conviennent à nos différents travaux, qu'ils servent de signe. Genèse 1, 14. Note. Mais, dit-on, le soleil et la lune sont des globes supérieurs à la Terre, comment donc ont-ils été créés pour l'éclairer? Ils éclairent la Terre, il est vrai, mais ils l'éclairent pour l'utilité de l'homme qui, par son âme, est plus noble que tous les astres ensemble. Fin de la note. 3. Les luminaires du ciel sont-ils animés? Il y a eu sur ce point, parmi les philosophes comme chez les docteurs de la foi, des sentiments divers. Saint Basile et Saint Jean Damascène soutiennent que les corps célestes sont inanimés. Saint Augustin laisse cette question douteuse. Si les corps célestes sont animés, dit-il, leurs âmes font partie de la société des anges. Il est certain, d'abord, que les corps célestes n'ont pas d'âme nutritive, qui osera dire qu'ils se nourrissent, qu'ils croissent et qu'ils engendrent. De telles opérations ne peuvent appartenir à des corps incorruptibles de leur nature. Ont-ils une âme sensitive? Non, ils manquent de l'organe du toucher, base et moyen de toute sensation. Comprendre et mouvoir seraient donc les deux seules opérations de l'âme qui les animeraient. Mais si l'intelligence a besoin d'un corps, ce n'est que tant que les sens lui transmettent des images, or les corps célestes n'ont point les opérations de l'âme sensitive. Il s'ensuit qu'une telle âme ne serait pas unie à ses corps pour exercer son activité intellectuelle. Reste à dire qu'elle y serait unie seulement pour l'émouvoir. Mais, pour que l'âme meuve un corps, est-il nécessaire qu'elle lui soit unie comme forme? Ne suffit-il pas d'un contact virtuel? Eh bien, nous y consentons. Les corps célestes sont mus par une substance capable d'appréhension, comme un mobile est mu par un moteur, mais ils ne sont point animés de la même manière que les plantes et les animaux. Note. On peut même admettre que, par la vertu de leur moteur, qui est une substance vivante, ils peuvent produire la vie. Fin de la note. Markendanarchive.org 2020, extrait du tome 1er, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.